C'est moi le pilote, toute la matinée on affiloche. Des aides sauvages, pas poche. J'ai pris du cash, j'ai pris de la bidoche. Eh, hey, des grossistes, j'en côtoie. Des bonhommes qui abusent pas de leur pouvoir. J't'aimais, j'pouvais même tirer pour toi. Et pourtant, mettre dans ce toit et grave, j'irai sur toi. Hey, sans aucune paix, j'vous laisse le paix. Vous êtes sympa, tout pas les tailles. Un double AP, c'est là ça, c'est mille. Me disent qu'un ministre ne touche pas ses payes. Oh, bombier, bombier, bombier. Des flaques de sang sous nos souliers. Bye bye, j'cours à bon cas, j'suis essoufflé. Hey, j'ai pas de cardio bientôt gavé. Oh, j'fais pas comme t'es mal et brava. Hey, j'te confie rien, t'es trop bavard. C'est des chanteurs, bavard, rôti. De bois carotté, bon appétit. Facile d'avoir raison quand c'est toi qui fixes les règles. Mais les règles, y'en a qu'une. Tu casses pas les couilles, personne t'emmerde. Tu fais chier, on te pète les reins. Tu trahis, t'es mort. C'est la mentale. C'est la seule loi. Et tous les voyous la connaissent, y'en a pas d'autre. Les salopes tirent, les bonhommes tuent. Y'a pas d'habit dans le terrain que se tue. Poté pousse-toi, y'a de la pasta, des usines, des guitares qui font ratata. J'ai vu la chance, j'ai braqué à la courue. Vite, j'ai plus vu Thomas. La prochaine fois, je vais la séquestrer avec un ou deux gaffa. T'es qu'à la clinique de l'estrée. Jamais, zéro stress. J'ai mis les portes qu'on fermait la tête. Aujourd'hui, on enquête jusqu'à plus savoir. On va donner quelle adresse. C'est bizarre, puis tout à l'heure, ça gigare dans le CH, bizarre. Litron dans l'Uber, ils vont pas sur le PA, ils font les pas des pizzas. On s'est fait tout seul. Dis-moi qui veut dire le contraire. Pas loin le pédard, au cas où ça dégénère. En plus mon pote c'est une galère. Il allume dans le tas, aucun contact, aucun combat. Pas d'un contraint, que des contrats. Et l'autre jour j'ai croisé la daronne aussi. On a vu comment elle était heureuse de me voir. Elle savait que c'est nous qui lui avons enlevé la vie aussi. Osim, c'est un enculé, d'accord? C'est une balance. Même pas de circonstances atténuantes, rien pire que des magistrats. J'ai